Le personnel du combinat de denrées alimentaires pour Sportif Kumko s'est réuni le 22 pour commémorer le premier anniversaire de l'inspection du maréchal Kim Jong-un. Y ont pris part le personnel du combinat. Le rapporteur a dit « Le dirigeant suprême Kim Jong-un, qui a visité pour la première fois le combinat de denrées alimentaires pour Sportif Kumko en janvier de l'an 104 du juillet 2015, a inspecté de nouveau la fabrique en janvier de l'année passée pour recommander de jouer un rôle de pionnier dans le développement de l'industrie alimentaire du pays. Sa direction sur place était une occasion de tournant nouveau pour appliquer loyalement les recommandations du général Kim Jong-il qui s'est donné le meilleur de lui-même pour réunir les conditions alimentaires riches et civilisées à notre meilleur peuple et aussi pour porter dès que possible l'industrie alimentaire du pays au niveau mondial. L'orateur a invité tout le personnel à redynamiser la production à l'allure de Malima, en prenant conscience de la confiance et de l'attente du maréchal pour faire un apport à l'amélioration de la vie du peuple et à l'édification d'une puissance sportive.